Jusqu'aujourd'hui, on a différentes pathologies, le cancer du sein, les cancers qu'on appelle du sang, qu'on appelle les leucémies, les cancers de la gorge, les cancers des reins qu'on appelle néphroblastomes, les cancers de l'os qu'on appelle sarcome de Wing et les cancers des poumons. Nous avons aussi des cancers du côlon. Donc nous avons une liste qui n'est pas exhaustive, qui va certainement continuer à s'allonger parce que quand même aujourd'hui on a commencé à avoir des transferts. L'os aussi qui nous reste, il faut que les assurances prennent à main le problème parce qu'il y a des malades qui sont là, traitement est disponible, mais qui ne peuvent pas accéder à son traitement. Deuxième chose, c'est le centre de transfusion sanguine qui devrait nous fournir les plaquettes. Pour les patients qui viennent les premiers jours, ce sont des patients, surtout les patients atteints de leucémie, sont des patients qui saignent, qui ont des hémorragies diffuses. Pour arrêter ça, il faut les plaquettes et on commence la chimiothérapie pour un mois de chimiothérapie. Parce que les plaquettes, nous les avons, mais les patients n'ont pas ces plaquettes parce qu'ils sont malades. Mais après un mois de traitement, les patients, ils ont les plaquettes, mais avant, font les apporter des plaquettes provenant du CNTS. Pour ça, on a encore un problème. Alors, l'histoire naturelle du cancer, si les malades ne sont pas traités, ils meurent. C'est possible la prévention, mais la prévention, il faut d'abord le dépistage. Il faut que les gens savent, parce qu'on ne peut pas, par exemple, les cancers adultes, ce sont des cancers qui sont 80% qu'on peut prévenir.